Toujours à la même occasion, le corps des attachés militaires en Corée a fait parvenir une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. L'attaché militaire de l'ambassade russe, Alexei Baratusov, doyen du corps des attachés militaires, les a transmises le vice-couronne au général d'armée Park Yong-sik, ministre des forces armées populaires.